Ouais, c'est normal. Et il s'est passé un bug. Il y a une piste qui a disparu d'un coup, la piste de batterie, d'un coup, elle a disparu. Et voilà, je recharge. On est en 48? J'ai Qu'est-ce pas qui fini. t'arrive, Benjamin? Ah, d'accord. Pourquoi j'entends le métronome? Je l'ai écrit là. J'ai écrit. Pourquoi j'entends le métronome loin? J'entends le métronome. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Putain, j'ai muté le métronome. J'ai oublié de recharger la batterie. Ah ouais, c'est mon ampli, putain. Ouais, en fait, c'est parce que mon métronome il passe dans mon micro, donc du coup tu l'entends de loin. Oh putain, c'est déjà l'heure. Je suis sorti trop tard du travail. Comment tu fais pour les avoir tes batteries?